Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM! Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 22h, Scream. Et je serai rejoint d'ici quelques minutes par Sylval pour l'émission Rive d'Enfer. Au programme de cette émission, il y aura vers 20h30 Simon et Valentin du groupe Inner Reflection au bout du fil pour une interview pour parler de leur nouveau EP. Sinon, comme d'habitude, au programme de l'émission, beaucoup de nouveautés, hein, comme d'habitude. Aussi la Slasher Song, même s'il n'est pas là, il y aura la Sylval Song. Et bien entendu, de la balade crapuleuse aux alentours de 21h, comme ça. On va démarrer très fort avec le nouveau Kansas. L'album s'appelle The Prelude Implicit. Et on va s'écouter White This Hurts. Yeah. Voilà, donc c'était With This Earth, c'est le nouveau Kansas, un extrait calme, on va démarrer calmement dans l'émission, donc Griffes d'Enfer, vous êtes bien branchés sur le 95 FM, 95 FM, Griffes d'Enfer avec Scream et Sylvain qui va arriver incessamment sous peu. Le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est extrait de l'album The Essence of Everything, le titre Drawn in the Absurdity, et c'est Light and Shade, c'est pas mal du tout. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, et c'est Light and Shade, Drawn on Absurdity, voilà. Alors, bonsoir Sylval. Eh bien, bonsoir Monsieur Scream, et bonsoir chers auditeurs, auditrices. Voilà, ben, vous savez, Sylval a une vie professionnelle très chargée, donc on comprend tout à fait son petit retard. Sinon, la forme ? Ah, écoute, oui. Voilà. Alors, nous étions de sortie. De sortie. Ton ressenti du Splendide du 8 octobre, on était au Splendide. Donc, ton ressenti de cette date ? Je te prends de court là directement. Ouais, parce que... Ouais, j'ai qu'une réponse à donner. C'était pas bien. Marvelous, merveilleux. Inglorious, merveilleux. Alors, franchement, là, je vais dire honnêtement, je n'ai jamais vu depuis longtemps une première partie au Splendide qui a mis le feu. Et je suis très fière de les connaître. Mm-hmm. C'est Inglorious. Ouais. Mais il a mis le feu, le gars. Les gars, il faut être honnête, sont tous. Ouais, ils sont tous sympas. Il y a un bon guitariste aussi. Hein. Ah oui, moi, très bon préféré. Guitariste, très bon batteur. Oui. Le bassiste, très bon bassiste. Mais je crois qu'il est un peu timide. Il devrait se mettre un peu plus en avant et plus se faire voir. Mais c'est beaucoup les bassistes comme bon, ça. Non. Hein. J'ai envie de poser la question parce qu'on a des bassistes qui nous écoutent éventuellement. Est-ce que vous êtes timide au sein de votre groupe ? Ben, répondez sur Rive d'Enfer. Voilà. Répondez sur Rive d'Enfer. Et on. Mais on verra. Voilà. Est-ce que vous êtes plus. On ne dit pas que le groupe vous mette à part, à entière. Mais non, parce que voilà. Dans ces cas-là, je dirais le à part, c'est le batteur. Ouais. Parce que des fois, dans les lumières, on ne voit plus. Ah oui, ça... et derrière leur batterie, derrière leur fût, leur cymbale, on les voit pratiquement ouais, voilà, jamais. Quoi. Des fois, c'est ça. Ça. C'est peut-être lui qu'on voit le moins, je dirais. Ouais, c'est vrai. Donc, ta première partie, excellente. La première partie, excellente. Et la deuxième ouais, et la tête d'affiche. La tête d'affiche, donc, qui était style panthère, n'est-ce pas? Bah écoute, moi j'ai bien aimé, franchement, bon show, tout ce que tu veux, il n'y a pas trop raconté le conte, parce que des fois c'est un peu long, parce que tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne comprend pas un peu les sous-entendus, on va dire, ouais. Donc des fois c'est un peu lassant, ouais. Hein, faut être honnête, hein. Bon quand tu parles très bien couramment, bah c'est super, tu rigoles, mais bon, après, tu sais pas tous les termes, quoi. Ce qui est bien... C'est que les gens en ont pour leur argent. Parce que c'est un long show quand même. Hein, C'est un long show, je te dis, il n'y a pas eu trop de parlotte. Mmh. Très bon public. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça discutait bien. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi qu'il y avait eu un pogo aussi mouvementé. Aussi mouvementé sur Steel Panther, surtout. Ouais. C'est... Ça ou des slams, c'est chiant. Ben, le slam, j'en ai eu que deux, mais alors un pogo phénoménal que j'ai failli tomber. Donc, bon. Ouais. Donc, bon ressenti. Ouais. Donc... Bon ressenti. Bon, la grosse critique que j'ai entendue et que j'ai lue, surtout, bah, c'est que les filles, elles ont été timides. Il n'y a pas eu la mise en scène de d'habitude. Il n'y a pas eu de totote à l'air. Voilà. Des boobs, comme ils disent. Voilà. Des boobs. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas parce que je suis un mec que je vais dire que j'ai été déçu sur ça, mais les filles qui veulent monter sur scène show, jouent quoi, le jeu. Voilà. Bon, après, c'est pas parce que tu montes sur scène que. T'es obligé. Non, là, je suis pas d'accord avec toi, à la limite. Parce que, bon, à la limite, quand t'es fan et que t'as envie d'approcher, je vais mettre Satchel, Lexi, Michael ou Styx, bon, bah, c'est la meilleure façon de les approcher. Si t'as envie de leur faire un petit bisou, n'importe quoi, ben, ils sont tout ouverts, c'est le cas de le dire. Même plus qu'ouverts. Mais toujours... Raisonnable. Voilà. Jamais de gestes déplacés. Il n'y a pas de main déplacés, entre les jambes ou je sais pas quoi. Hein. Jamais. Ça, on peut dire... Ne force pas la preuve de la personne qui a enlevé son soutien-gorge ou qui a été. Enfin, si on a une jolie demoiselle en soutien-gorge qui est assise sur le tabouret, là. Hein. Ouais. Bien sympathique, cette fille, d'ailleurs. Très sympathique. Voilà. Sinon, bah, bon concert, hein. On peut dire ce qu'il y a. Génial. Et. J'ai trouvé le Splendide vachement chaud cette fois-ci. Oui, mais il était complet, hein, c'était complet. Soldat. Moi, il y avait longtemps que j'avais plus vu ça, hein, personnellement. Et puis, je te dis, même une première partie aussi, c'est pas parce que c'est une glorieuse, quoi, mais aussi... Ben, ça allait bien, c'est une première partie qui allait bien avec la tête d'affiche. Ben, je sais pas, ça a bougé phénoménal. Ouais. Et c'est, comme je dis, c'était, ils ont bien choisi le, ouais. Les deux styles musicaux se mariaient bien ensemble. Donc c'était bien. Bah, pour tous les, pas que les mecs, même les nanas qui ont raté ce live, bah, vous avez raté quelque chose, quoi. Et je tiens aussi à dire, bah, on a fait quand même de bonnes rencontres. Notamment, il y a une petite mucronoise qui nous a entendu parler. Qui dit, ah, vous êtes animateur radio. Oui, bah, je connais bien RQC. Bah, ça nous écoute, on lui fait un petit coucou. Mm-hmm. Et ça, elle n'est pas trop loin du studio. On l'a vite je lui ai proposé hein, qu'elle pouvait venir nous dire bonjour. Ah, tu l'as vu, bah voilà. Ok. Bah, j'étais en veste. Ah oui. Enfin. Ah non, mais je croyais que tu l'avais retrouvée. Oh, si je la retrouve, je viens de la voir là maintenant. Bonjour, on a été boire un café là. Voilà. C'est pour ça ton retard. Hein voilà. C'est si elle nous écoute et qu'elle n'est pas trop loin. C'est pas grave. C'est Scream. Si elle n'est pas trop loin de la radio, elle peut venir pour dire, témoigner parce que elle a eu la chance de monter aussi sur scène. Ouais, voilà. Aussi. Voilà. On s'écoute une page musicale ? Tout à fait. Et puis après, on passera à la Slasher Song, parce qu'à 8h30, à 20h30, on a une interview. Inner Reflection. Alors, King of Bone, on va partir du côté du Brésil. Brésil. Et on va s'écouter No Way Out, extrait de l'album Don't Mess With The King. Et tout de suite après, ce sera la Slasher Song. Et ça, je crois que ça va te plaire. Très plaire. Alors voilà, on était du côté du Brasilia avec King of Boone, No Way Out. Bien, hein, ouais, bien, c'est bien. C'est bien, hein. Ça bouge bien aussi. Ouais. Il est exactement 20h21 à l'horloge entre studio. Il est l'heure de passer la Slasher Song. Et aujourd'hui, l'album s'appelle le titre qui nous a pris, mais je ne vais pas dire le titre maintenant, je vais d'abord dire le titre de l'album, Sleep of the Tog. Et le titre qui nous a choisi est là, ça va en faire un plaisir, Fool for Your Loving. C'est Whitesnake. Ah, Whitesnake. Il a entendu, donc, parce que Inglorious l'a repris sur scène. Ouais. Il a bien repris ça. Ouais. Mais il reprend bien, il a timbre de voix pour ça. Hein. Mais il a un beau timbre de voix. Ouais, il a un bon timbre de voix, donc ça passe très bien. Et le petit slasher a dit, ben, ce sera ça aujourd'hui. Même s'il n'est pas là, voilà. Donc il a pris Whitesnake, le slasher. Et on va s'écouter for your loving. Non, si, c'est vrai, je vais revenir sur Inglorious encore une fois. Il n'y a peut-être pas un physique terrible, le gars. Ça, c'est chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Mais il a une sacrée voix. Ah, il a une sacrée voix. Et il est gentil, il est sympathique. Nathan. Il est sympa, moi je trouve qu'il est sympa. Il fait beaucoup des big ups quand il connaît bien les gens, il aime bien. Ben ouais, puis bon, il y a une manière de lui expliquer comment t'as rencontré son groupe, tout. Et il y a des choses qui font plaisir. Ah oui, et puis très abordable. Je connais bien son pays aussi, je connais sa ville. J'ai passé des vacances à Leicester, tout ça, donc... Et très abordable, parce qu'il se promenait dans je te dis, hein, il est gentil. Il se promenait dans le splendide comme ça. Moi, après, je l'ai perdu de vue, parce que j'étais au premier rang, et j'avais du vent. Aussi. Donc, je l'ai perdu de vue, quoi. J'ai perdu tous les Inglorious de vue. Mm-hmm. Mais bon, voilà, quoi. Non, faut pas hésiter à aller... Aller à leur rencontre. Et acheter aussi l'album, tout ça, qui aide le groupe. Surtout, c'est ce que Steel Panther a fait sur scène. Il a remercié tout le public qui était là parce qu'ils ont vu, parce que à mon avis, il doit y avoir des statistiques qui se font sur les téléchargements, qu'il y avait très peu de téléchargements sur les albums de Steel Panther, mais beaucoup de ventes, et qui remerciait le public. Bon, déjà, ça on comprend, on remercie pour la thune, c'est sûr, mais aussi pour dire que le téléchargement, on le signe fort et dur, c'est illégal, et si c'est continue comme ça, il y aura de moins en moins de groupes, ou alors des concerts qui seront de plus en plus chers. Et puis, il y a toujours un disquaire à Courteuil qui n'est pas très cher. Hein. Voilà. Il faut être honnête, hein, on ne peut pas faire de pub, ni même... de nom, ni de rue, mais elle n'est pas chère comparée à d'autres grandes surfaces, pardon. Ouais. Et où c'est ta journée aujourd'hui, Sylvestre. Et où que vous soyez, c'est vrai que si vous voulez vraiment, si vous aimez un groupe, achetez, parce que sinon, je vous dis, après vous allez vous plaire, vous pleurez quand vous allez avoir un concert qui va vous coûter la peau des fesses, parce que il y aura moins de ventes, et si vous voulez les voir, ça coûtera plus cher. Exactement. Voilà, allez, on va s'écouter la Slasher Song avec Whitesnake, Fool for Your Loving, et on se retrouve tout de suite après. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Left out in the cold, I'm alone. Voilà, donc c'était la Slasher Song. Hein. Tout à fait. Full for Your Loving, extrait de l'album Sleep of the Tongue de Whitesnake. Alors, d'ici quelques minutes, d'ici 3 minutes 13 exactement, on aura donc Simon et Valentin au bout du fil pour nous parler de leur nouveau EP. Donc, on aura les Inner Reflection. Juste avant, on va s'écouter un extrait de nouvel EP et on va s'écouter At War. Et on se retrouve tout de suite après en direct avec l'interview au Phoneur. Voilà. Voilà, donc juste à l'instant, c'était les Inner Reflection avec At War. Alors, on les a au bout du fil. Bonsoir. Salut. En forme ? Ah oui. Hein. Voilà. Donc, on a Simon au chant donc, et Valentin à la batterie. Ouais. Voilà, donc je suis super ravi de vous avoir au bout du fil, comme ça pour vous pour que vous nous parliez de votre nouvelle EP, car on avait reçu votre album précédent, Reset, qui était une autoproduction. Hein, donc là, il y a un nouveau bébé qui est arrivé. On va un peu d'abord recadrer un peu tout ça. Hein, le groupe a vu le jour un peu avant 2011, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment vous êtes venu l'idée de faire de la ZIC et de faire le groupe Inner Reflection? Ouais, alors moi ça vient d'un projet avec Sébastien à la guitare. On s'est rencontrés il y a pas mal d'années déjà, ça fait au moins 8 ans qu'on fait la musique ensemble. Donc au début on faisait rien de sérieux, c'était fin collège, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et on a pris vraiment goût à faire des concerts, à rencontrer des musiciens talentueux. Et on a vraiment eu envie de faire quelque chose de sérieux avec ce projet. Donc on a rencontré voilà, des musicos, on a commencé à faire des compos de plus en plus agressifs et performants. Du coup, on a amené ça à bout et on a pu sortir Reset du coup il y a 3 ans maintenant, dont on est très fiers. Mais, qui est une excellente autoproduction, hein. Il n'y a rien à jeter sur cet album, je tiens déjà à vous le dire. Merci beaucoup, ça fait fait plaisir. Ben c'est... Quand il y a des choses à dire positives ou même négatives, on le dit dans Rives d'Enfer et c'était... c'est très très bien. Alors là, vous êtes revenu avec un nouvel EP. Comment s'est passé justement cette envie de faire un nouvel EP? Ben, en fait, on commençait à voir que Reset commençait à avoir un peu de la bouteille et tout, et on a vu qu'on avait beaucoup évolué, qu'on avait affiné un peu plus notre style de métal, etc. On s'est dit que ce serait l'occasion de sortir un EP très agressif qui rentre dedans vraiment notre idée, etc., qu'on a travaillé pendant ce temps-là, pendant ces 3 ans en fait. Oui. Et comment s'est passée donc cette écriture de cet album? Elle s'est passée à peu près de la même manière que Reset, à part qu'on a eu une approche un peu plus approfondie, etc. C'est pour ça qu'on a choisi que 16 morceaux. Oui. On sur l'essentiel et pour pouvoir proposer quelque chose d'outil. Et on voulait surtout faire quelque chose de plus pro, plus mature, parce que sur le premier, on peut... objectivement dire qu'on cherche encore à travers plusieurs styles musicaux, même si on a fait un mélange assez intéressant, je pense. Et on avait choisi, avant l'écriture de l'EP, de faire quelque chose de plus agressif, un peu plus trash. Oui. Au final, le résultat est là, on est très fiers de ce qu'on a fait. Et à travers cet EP, justement, comme on avait fait des gros titres, bien concrets, avec le meilleur de nous-mêmes, on a voulu avoir une grosse production. Mm-hmm. On a contacté Matide pour la suite, justement. Il nous a fait un son au top, quoi. Donc là, on est vraiment content du résultat. Oui, justement, j'allais en venir, mais bon, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Justement, un album autoproduit, un EP qui arrive, et directement, on prend quand même une personne de renom, quand même. Matt Hayes n'est quand même pas n'importe qui. Hein. Il y a du Parkway Drive, du Bartoots, on a du Slayer derrière. Ça doit quand même faire quelque chose. D'ailleurs, surtout, j'ai tendance à dire, et en fait, ouais, on a choisi lui, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'était peut-être lui qui était un peu à l'image de nos prétentions futures à venir, quoi, simplement. Oui. Donc, là, vous avez fait un pi. L'album devrait arriver maintenant quand, plus ou moins? L'album futur, alors là, on est déjà en train de finir la composition, je pense. On a écrit 6-7 titres sur une dizaine, à peu près. Il y a les paroles qui se calent tout doucement dessus, pareil, on essaye de faire des paroles avec plus de sens, plus affirmées, pour avoir un rendu plus mature encore que l'EP, je pense. Mm-hmm. Et je pense que là, pour le moment, l'album, etc., il est en cours de production, en tout cas déjà pour nous, au niveau des instruments, etc., mais nous, ce qu'on a surtout hâte, c'est de partir défendre un peu notre EP, parce qu'il a de quoi donner, quoi. Ah, tout à fait. Voilà, et pour le coup, en parallèle, oui, on n'est pas en train de dormir. Mais après, en termes de temps, je pense que... Pour l'instant, on va se concentrer sur défendre l'EP sur scène, parce qu'il y a beaucoup de matière à défendre. Mmh. Et justement, donc, vous parlez de la scène, vous avez déjà des dates de prévues, aussi bien en France qu'à même à l'étranger, éventuellement? Alors là, pour la France, en fait, on va partir en support de Rise of the North Star là, en France, sur leur date française. Là, c'est actuellement, c'est la grosse info, etc., qu'on a relayé la semaine dernière, il me semble. Ouais, ça commence fin novembre, le 27, on part à Marseille, et on finit le 3, on fait 7 dates. Ah bah c'est super chouette. 7 dates, donc c'est notre première tournée également, et puis on a plein d'autres plans, pas encore officiels, qu'on dévoilera en temps voulu. Voilà, tout à fait. Peut-être même des festivals, on ne sait jamais. Hein. C'est intéressant. Mais, donc tout à l'heure, tu parlais justement des paroles plus affirmées ou quoi. Justement, parlons un peu paroles. Comment est-ce que vous vous calez pour les paroles? Est-ce que vous êtes plusieurs à amener vos idées ou il n'y a que Simon, donc toi Simon qui... Généralement, en fait... Il y a quelqu'un qui ramène une idée globale. Bon, généralement, c'est vrai que c'est quand même, à la limite, mon taf, quoi, on va dire. Mmh. Mais après, je sais que pour l'EP, j'ai été beaucoup aidé par Valentin, etc. D'ailleurs, sur le livret, on peut voir qu'il y a certains morceaux qui sont signés de lui et moi. Mmh. Ça veut dire qu'on s'adapte. Et de toute façon, on est assez raccord dans le groupe par rapport à ce qu'on veut véhiculer comme message et ce qu'on veut donner aux gens, quoi. Mmh. Et surtout, les musiciens s'intéressent également, justement, au message... le message qu'on défend pour pas comment dire se tromper sur ce qu'on veut jouer sur scène. Et justement, donc, quel message voulez-vous véhiculer justement pour les fans ici qui vous découvrent ou qui chercheraient à en savoir un peu plus sur vous? Bah en fait, nous, ce qu'on essaie de véhiculer, c'est une remise en question en rapport avec notre environnement et par rapport à, justement aux vies dans lesquelles on passe, etc. Etc. Et en fait, c'est une critique un peu acerbe de notre société qu'on trouve un peu trompeuse et voilà quoi. C'est un peu une remise en question de quelles sont les vraies valeurs et où est-ce qu'on va si ce n'est dans le mur. Ouais. Bah là, on y va tout droit. Et justement, donc l'actualité vous aide un petit peu beaucoup à mon avis sur. C'est sûr que dès qu'on allume la télé, c'est un excellent moyen de pouvoir se rendre compte que oui, on y va dans le mur, effectivement. Et d'avoir envie de gueuler. Ouais. Ben c'est bien, parce que c'est ce que vous faites, et vous faites passer un message, et c'est tout à votre honneur, quoi. Et voilà, donc, bon, maintenant, en plus de ça... Non, en fait, je pense que c'est unificateur. Le ras-le-bol de tout le monde fait en sorte que le message qu'on véhicule, il est unificateur, ouais, clairement. Mmh. Justement... Est-ce que vous allez encore faire appel à Matt pour l'album? Alors, pour le coup, je sais que Jérémy, le deuxième guitariste du groupe, et moi-même, ce qu'on adore dans un groupe, c'est entendre des nouveaux mix. Mmh. Parce que si on entend des sons et des compos différentes, même très très bien composés, mais avec le même mix, au début, c'est sympa, les mecs ont trouvé leur son, etc. Mais en fait, on se lasse vite. Et c'est aussi bien d'avoir un nouveau style musical dans un groupe qu'un nouveau mix, parce que ça donne une nouvelle vie en fait au CD. Et c'est toujours une découverte et un plaisir de voir que le son a un peu changé, qu'ils vont travailler différemment et qu'ils sont intéressés vraiment à l'art du son plutôt qu'à la composition. Je rajouterais juste qu'en fait, on a eu de la chance de pouvoir communiquer avec plusieurs personnes pour mixer notre CD, etc. Et en fait, à qui on a pu... transmettre, on va dire, nos valeurs, etc., et ce qu'on voulait défendre à travers notre EP. Et on a eu beaucoup de chance donc de pouvoir discuter donc avec Matt Hyde et pouvoir collaborer avec lui, mais surtout on a eu l'occasion de pouvoir discuter avec d'autres mixeurs qui sont tout aussi intéressants et qui pourront nous apporter autre chose. Et qui sont également intéressés, du coup, sur ce sujet aussi, je pense que on aimerait bien changer pour aller voir d'autres horizons et puis se faire kiffer aussi, hein, c'est un choix. Ben c'est bien, c'est très bien même de pouvoir avoir des personnes et avoir surtout des propositions. Qu'est-ce que vous pensez de la scène française côté métal? La scène française métal en ce moment, en fait, là où on a de la chance, c'est qu'étant donné qu'on est dans la région parisienne, on est amené à pouvoir rencontrer quand même pas mal de groupes et tout. Bon, je pense évidemment aux mecs de Rise of the North Star qu'on côtoie quand même souvent, mais aussi des groupes comme Tank, Lutèce, etc. Elle est divers et variée, en fait, cette scène métal, elle demande qu'à exister, quoi, et d'avoir une chance d'exister, quoi. Donc, voilà, c'est en se donnant, je pense qu'on a tous la même démarche, on se donne tous les moyens de pouvoir faire quelque chose, pas forcément de grand, mais quelque chose qui montre qui on est et comment on existe et tout. Alors après, on a tous nos grandes idoles, Gojira, etc., évidemment, mais pour avoir atteint ce niveau-là, ouais, il y a du boulot et une part de chance et une part de... faut donner sa chance au produit, quoi. Mais le boulot, vous l'avez déjà prouvé, déjà, comme je dis hein, tout à l'heure, Reset. Il faut toujours le prouver. Mm-hmm. Toujours. Ouais. Ah, pour le coup, pour la scène métal, moi, ce qui m'étonne toujours, je sais pas si c'était comme ça il y a 10, 20 ans, voire plus, c'est qu'il y a chez les métalleux une confiance, par exemple, pour acheter des places au Hellfest à 200 balles sans que l'affiche tombe, un an avant. Mm-hmm. C'est quand même un public qui est très confiant, qui fait confiance aux orgas, etc. Et d'un autre côté, pour tous les petits groupes locaux, en fait, si les gens connaissent pas, ils ont pas envie de venir forcément découvrir. Donc il y en a toujours, je parle pas d'une généralité, mais il y en a beaucoup qui devraient se bouger pour voir un peu ce qui se passe à côté de chez eux. Et au final, tant qu'ils connaissent pas, ils ont pas envie de sortir à 20 balles ou de faire 10 minutes de trajet, voire plus. Hein, des fois, c'est sûr que c'est moins. Du coup, il y a une espèce d'incohérence, mais bon, on va dire que pour l'instant, on fait avec. Bah, je suis un peu d'accord avec vous, parce qu'avant, on se permettait d'organiser des concerts où on faisait, je dis, 200-300 entrées facilement. Les gens achetaient les tickets longtemps à l'avance, des petits concerts avec des groupes locaux. Et maintenant, si tu ramènes 50 personnes, de staff compris, t'es bien content, quoi. Je crois que c'est un phénomène de mode, les petits jeunes qui viennent voir découvrir des groupes ou quoi. Automatiquement, ils ont pratiquement pas de thunes. Ça, plus une bibine ou un truc comme ça, ça monte très vite. Je crois que c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Je crois que c'est pour moi, c'est ça, quoi. Ouais, il y a aussi un peu de ça. Après, on va pas commencer à parler argent et au niveau politique et tout, parce que je pense qu'on va partir. On va partir loin. C'est sûr que ça joue un petit peu quand même. Ouais. Alors, on va terminer avec donc les projets pour Inner Reflection, l'EP que vous allez promouvoir, c'est ça? Et est-ce qu'il y a déjà un clip qui est en préparation de cet EP, ou est-ce qu'il est déjà sorti éventuellement? Le clip? Oui. À ce qui concerne le clip, oui, il y a Until We Are Done qui est donc déjà sorti. D'accord. Presque un mois. Oui. L'EP est sorti fin septembre, il est sorti fin août, donc ça fait 2 mois qu'il est récupéré. Et qui a son petit succès, etc. Quoi. Donc voilà, on est très contents. Après, c'est en termes de sortie de clip, voilà, c'est ça. Après, la grosse nouvelle, c'est plutôt donc la tournée qu'on va faire. Et puis après, là, on est en train de travailler pour essayer d'éventuellement sur l'album, signer avec un label, etc. Notre manager est en train déjà de s'en occuper et est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir... Parce que après nous avoir aidé pour l'EP, notre manager là est en train de chercher donc un label pour pouvoir nous supporter et faire en sorte que on puisse vendre un produit à l'international et de manière pro aussi. Voilà. Voilà. Ben, de bons projets. Donc allez, on va dire comme ça, grosso modo, vous allez défendre votre EP et puis après on peut compter dans le courant de 2017 l'album. Début 2018. 2018, voilà. Un an pour le peaufiner comme il faut, c'est ce qu'il faut, quoi. Eh bien, les amis, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Hein. Et on espère vous voir d'où, chez nous, dans le nord, ou si dans le nord de la France, ou si bien en Belgique, quoi. Ah ben, carrément, il ne faut pas hésiter à nous programmer, hein, on est demandeurs. Voilà, il n'y a pas de souci. Ben, les amis, je vous laisse le mot de la fin. Ouais, merci à tous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook et venir vous bouger en live pour prendre une bonne claque. Mmh. Merci de nous écouter, parce que c'est grâce à vous qu'on est vivant également. Donc... Ben, merci beaucoup. Et ben, nous, on va justement s'écouter donc Until We Are Done, qui est votre clip, hein, en même temps. Et voilà, on se quitte avec, enfin nous on va continuer, mais on se quitte pour l'interview et on espère vous voir franchement dans le Nord très prochainement. Voilà. Yes, merci. Merci à Simon et à Valentin. Ciao les amis. Ciao. Ciao. Et ben voilà, on en aura appris donc sur le groupe Inner Reflection. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Until We Are Done. C'est le clip aussi du groupe. Voilà. Alors, vous nous donnez vos impressions sur la page Rive d'Enfer. Tout à fait. J'irai voir après d'ailleurs justement. En message ou autre. Hein, possibilité de faire message privé, il me semble. Oui, il peut envoyer son message privé parce que c'est. Ouais. Et puis voilà quoi. C'est bien d'avoir des impressions, surtout que là, comme il disait, on est des petits groupes, on cherche à monter, c'est le rêve de tout un chacun. Tout petit groupe, hein, bah oui. Hein. Voilà, donc c'est vrai que ça leur fait chaud patate d'avoir des impressions, hein, et puis ça aide aussi. Hein, tout à fait. Une critique peut être bonne comme mauvaise, mais ça aide, on avance. Voilà. Ouais, voilà. On avance. Alors, là, on va partir du côté de l'Allemagne. On va s'écouter le titre Sociopathe. J'aime bien le titre de l'album Peep Show. Et c'est Acid Drinker. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. On arrive tout doucement vers la balade crapuleuse. Mm-hmm. Voilà. Mais on a encore quelques titres à passer. We'll be right back. Acid Drinker, c'est le nom du groupe et le titre c'est Sociopathe. Voilà, mm-hmm. C'est un peu plus violent. Hein, ouais, mais c'est bon. Plus violent. Mais bon, on aime bien. On chatouille voilà. Un petit peu. Voilà. On est un peu violent ici, on arrive d'en faire des fois. Des fois on est un peu mielleux, des fois on est un peu plus doux. On a un peu tout. On a des multifacettes. Mm-hmm. Alors, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Skiltron avec l'album s'appelle Legacy of Blood. Et le titre c'est Eight of My Life. Et après ce sera la balade crapuleuse. Et bien entendu, aux alentours de 21h30, comme d'habitude, maintenant on va prendre cette habitude-là, 21h30, hein. Ce sera la Sid Valsogne. Tout à fait. Et encore, à mon avis, tu vas encore me surprendre aussi, parce que je sais pas. Comme tu sais que je choque du coq à l'homme. Ouais. Voilà, allez, c'est parti pour Skiltron. We'll be right back. Alors là, c'est Skiltron. Ce qui est bien, c'est un peu un côté folk et avec un bon timbre de voix comme on l'aime ici dans Rive d'Enfer. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est Eight of My Life et c'était donc les Skiltron. Voilà. Il est exactement 21h dépassé de 2 minutes à l'horloge notre petit studio. Vous êtes bien branchés sur Rive d'Enfer pour l'émission. Vous êtes bien branchés sur RQC pour Rive d'Enfer avec Sylval. Et oui. Et moi. Le slasher n'étant pas là aujourd'hui, il est on va dire comme ça, en congé. Il a pris congé, quoi. Il sera là la semaine prochaine. Il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. Par contre, nous, on vous comptera encore une nouvelle aventure lundi prochain. Hein. Oui. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à raconter. On a un week-end chargé. Lundi, oui, et aussi. Oui, parce que Forevermore aussi. Mais c'est Forevermore. Voilà. Oui, un gros week-end. Alors, l'heure de la balade. Si vous connaissez un petit peu un bon chanteur luxembourgeois, ben, vous devez connaître Michael Boroman. Et il a fait partie de Jaded Hearts. Et là, l'album s'appelle Mystery Ice. J'adore son timbre de voix. Il est très fortiche. Mm-hmm. Et là, on va s'écouter What is Love. C'est pas la reprise What is Love. Voilà, c'est pas ça du tout. Allez, Jaded Hearts, c'est la balade crapuleuse de ce lundi, les amis. What is love? Jaded Hearts, What is Love, extrait de l'album Mystery Ice. Voilà. Alors. Bah, très belle voix, très bel homme. Oui, bon, on explique pourquoi. Monsieur, j'ai encore eu le droit, hein, il est bien en chair. Ah, j'étais voir les photos. Voilà, parce qu'on a Internet ici, alors on regarde. Ouais. Donc c'était une belle balade, c'était la balade crapuleuse. Bien en chair, bah, c'est un homme, ouais. Ça ressemble à un homme. Comme voilà. Ça aussi, ça manque, ça, sur les albums. Mais les albums de maintenant, la nouvelle génération, bah, avant, on avait droit à sa petite balade, la troisième chanson, la dernière chanson de l'album. Maintenant, ça, il n'y a plus pratiquement, il n'y a plus, c'est toujours, c'est la locomotive et sa trace, quoi. Alors, le prochain titre s'appelle le King of Persia, c'est le titre de l'album, et le groupe, là, on va du côté de la Bulgarie, avec Symphonity, avec The Choice, c'est pas mal non plus, la pochette, j'ai vraiment très sympatoche, et elle figure aussi sur la page Riff d'Enfer. Voilà, c'est parti les amis. Voilà, donc c'était Symphonity avec The Choice, avec cet album. Groupe bulgare, c'est ça. Ouais, King of Persia. Alors là, c'est un groupe qu'on a eu l'occasion de voir en concert, à un festival. Le slasher connaît les membres, il aime bien, ils disent que c'est sympa. C'est le groupe Epica qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle The Holographic Principle. C'est une dame qui chante. Ouais, Simone. Simone. C'est ça, non, je crois. Une, je madame. Sais plus. Ouais, une petite madame. Voilà, et on va s'écouter Fantasmic Parade. Donc, c'est un extrait du nouvel album de Epica. Cheers! Voilà, donc c'était le nouveau Epica. Epica. Avec A Fantasmic Is Parade de Epica. Voilà. Maintenant, on va un peu plus se réveiller avant de tasser le valsogne. Hein, mm-hmm. Avec deux titres. Le premier, c'est notre petite Hello. Ah. Qui nous a envoyé encore une bonne petite perle. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime vraiment bien. Le slasher, il adore. Mm-hmm. C'est alors Epirosis. L'album s'appelle The Taste of Shadow. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Selfish Suicide. Et après, on aura encore une petite merveille assez tordue, comme on aime ici, dans Rive d'Enfer. Mm-hmm. Allez, c'est parti. Et on remercie encore une fois la petite Hello qui nous fait confiance et elle fait, comme je dis toujours, un bon boulot. Tout à fait, tout à fait. Allez, Hello, si tu nous écoutes, ce sera pour... voilà. So voilà. Voilà. Donc c'était donc Epirosis avec Selfish Suicide, bien agressif quand même. Hein. Ouais, quand même. Hein. Voilà. Ouais, ça m'étonne, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah c'est bien ça. Ouais, ça change. Elle s'ouvre à tous les groupes. Voilà, donc si vous êtes un groupe et que vous cherchez. Raison. Voilà. Et si vous cherchez, quelqu'un qui peut vous aider un petit peu dans vos démarches, ben, Ellie Productions, ça lui fera un plaisir de pouvoir bosser avec vous. Le prochain, l'album, alors là, c'est une pure merveille. Enfin, s'appelle The Violent Sleep of Reason. C'est un groupe qu'on affectionne très très particulièrement, le slasher et moi-même. C'est le groupe Meshuggah et on va s'écouter Born in Dissonance et on se retrouve tout de suite après pour la Silver Song. We are. Meshuga Born in Dissonance, c'était le titre extrait de l'album The Violent Sleep of Reason. Alors, il est exactement 21h dépassé de 31 minutes à l'horloge de notre studio. Vous êtes bien branchés sur Rive d'Enfer avec Sylval et moi-même pour l'émission Rive d'Enfer. Rive d'Enfer. Alors, c'est l'heure de la Sylval 5, j'allais dire, la Slasher. Ouh là là là là. On se sent tellement en caractère. C'est lundi, c'est lundi. Oui. En plus, les bêtises, il n'y en a pas. Ouais, voilà. Alors. Alors, haha, qu'est-ce que je t'ai mis? Ah, toi, tu le sais. Enfin, ah oui, moi, je le sais, donc. Voir. Voilà. Surpris ou pas surpris? Ben, comparé à la semaine, dernière, oui. C'est surpris, c'est, ah oui, surpris. Saute vraiment du coq à l'âne. Ah oui, c'est, hein, c'est la preuve que tu es aware. Comme ouais, dirait voilà, le compatriote belge Jean-Claude Van Damme, elle est aware, elle est ouverte voilà, à tout style de propositions musicales. Je dis bien musicales. Bon, de propositions aussi, hein, j'étudie, hein, je dis bien. Voilà, donc tu as pris. Bah écoute, j'ai choisi mon pote Liedemann. Et pour? Bah, écoute, tu sais que je l'aime bien, hein. J'aime bien son caractère, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement bien. J'aime bien tout ce qui est provocant, ça tout le monde le sait. Et j'ai choisi le premier titre parce que bah, c'est mon préférant, plus Skillin' Pills. D'accord. L'album il est spécial, j'avoue. Bon bah il chante en anglais déjà. Mm-hmm. Il a accompagné notre ami qui fait une tournée du groupe Pen, Peter Tagren. Tagren. Mm-hmm. Moi j'ai bien aimé cet album, j'avoue. Il est très très illustré à l'intérieur. Il a toutes les paroles, donc vous pouvez les traduire. Les photos sont trash quand même. Tout à fait. Là, je... C'est toujours dans l'esprit Liedemann. Hein. Et comme l'ami Tagren, à mon avis... hein, il n'est pas loin non plus, lui. Hein. Et il n'est pas tout juste non plus, je pense. Mm-hmm. Donc, non, c'est vachement bien fait. C'est sûr que les images à l'intérieur, elles sont pas tristes. Pompier pyromane... Une sorte de gynécologue aussi, ouais. Bon, une photo d'une dame qui est bien en chair, avec des beaux bourrelets. Mm-hmm. Bon, c'est spécial, l'album espèce, mais bon, moi il m'a plu quand même, j'avoue. Bon, donc... il est sorti déjà depuis pas mal de temps. Hein. Ouais, ça fait un an, ouais. Un peu plus d'un an. D'ailleurs, bah, tout le monde m'a demandé, et je l'ai encore eu dernièrement, en question, mm-hmm, pourquoi il n'y a pas eu de tournée sur cet album-là. Est-ce que tu as la réponse? À mon avis, il tourne avec. Tout simplement avec. Rammstein et ça rapporte plus, fatalement. Je dis pas, c'est... moi, parce que Penn. Après, c'est le groupe. Hein. Mm-hmm. Mais Peter Tagren, il y a beaucoup de succès aussi. Hein. Ouais, mais peut-être qu'ils ne pouvaient pas être ensemble pour tourner. C'est... Peut-être. Il y a plein de choses qui font que. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, qui pensaient le voir sur une tournée là-dessus. À eux deux. Hein. Ou peut-être qu'il y a un contrat qui a été signé, qu'ils ne pouvaient pas. Bon, je sais que c'est un album délire. Hein. Ah oui, mais bon, vu c'était leur... C'était un album... Bon, moi, j'avais lu dans un magazine que c'était plus pour du délire, cet album-là. Mais bon, avec leur notoriété, ils ont peut-être dépassé, ils n'auraient peut-être pas cru que ça se vende autant, aussi bien que ça. Et ouais, voilà, quoi. Maintenant... Bon, peut-être qu'il y aura quand même une tournée... Peut-être. Enfin, j'en sais rien. Peut-être, mais j'en doute quand même. Après un an et demi, moi, une plus, tournée je promo, pas. J'en doute. Alors, on va s'écouter ton titre, donc c'est... Donc, Skillin' in Pills. De monsieur... Liedemann. C'est parti, ça roule... Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Thank you. sweet one, for my whatever pain. In the end, I start to cry. So I take the first again. I have a last one, and I hope to die. Voilà, donc c'était Leadman avec le titre Skills in Pills. Voilà, c'était la Silversong de ce lundi, lundi prochain. Voilà, et je reviens quand même à la pochette qui est vachement belle, enfin moi je trouve. On voit quand même que Monsieur Leadman est fanat du feu. Il est fou, il est surtout fou. Il adore le feu, il adore. Voilà. Allez, le prochain. Moi j'adore l'artwork de cette pochette. C'est le groupe s'appelle Them. Pas Ten, Ten qui est du hard rock traditionnel, du heavy, du hard rock traditionnel, mais Them, Them. Et on va s'écouter Forever Burn, justement tu parles du feu, bah en voilà. Et avec le titre Sweet Hello. J'ai vraiment bien aimé ce titre quand je l'ai découvert pour la programmation. Et on va s'écouter ce titre. Cannot save you this time. Daddy cannot. Voilà, donc c'était Thème avec Forever Burn, extrait de l'album Sweet Hello. Ben, moi, ça me fait un peu penser, un peu dans l'aspiration de Mercyful Fate, King Diamond, avec des voix très hautes dans les aigus, puis des voix un peu plus graves, avec un thème un peu horrifique comme ça derrière. Mm. Ben, du bon vieux King Diamond, comme ça, ça me fait penser un petit peu à ça. Et puis la pochette, c'est pareil, quoi. Le prochain, c'est Evan Shaw, le Burn. Là, je remercie Wilco de nous avoir envoyé cet album. L'album s'appelle When the Rear. Et on va s'écouter Brian the War Home. Home. Voilà, le groupe s'appelle Evan Shawburn et le titre c'était Brian the War Home. Voilà, alors là, maintenant, c'est une petite merveille. Le groupe s'appelle Lightning Strike. Et on va s'écouter le titre éponyme de l'album de ce groupe. Lightning Strike, franchement, très, très, très bon. Tu me diras d'ailleurs ce que t'en penses tout de suite après. Je te dirai, ouais. Voilà, c'est parti. Bah, c'est pas mal cette petite nouveauté hein, quand même, ouais, Lightning Strike. C'est super bien, ça bouge bien, tout, c'est dans mes cordes. Ça monte un peu crescendo comme ça avec une bonne voix bien criarde. Solo de guitare, bonne voix. Voilà. C'est ce que j'aime bien, voilà. C'est vrai. Alors nous, il est bientôt l'heure de se quitter, on a les Midnight. Oui, mais on a les Midnight Monkeys qui viennent d'arriver. Salut les amis. Hein. Salut, voilà, on a entendu le salut là de loin. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures, de nouvelles. Nouvelles. Normalement, il y aura encore peut-être. La semaine prochaine, il risque d'avoir quand même deux interviews. Mm-hmm. Un à 20h30 et un normalement à 21h avec El Bucho. Normalement. Yeah. Et. On vous comptera aussi nos aventures du week-end qui va être chargé. Du week-end, il y aura pour moi les monstres, normalement peut-être pour toi aussi, il y aura l'ordi. Oui. L'ordi, tu vas revoir les Steel Panthers sur Bruxelles. Sur l'ancienne Belgique. Voilà. Donc tout ça, on vous comptera. Et on vous parlera, comme le slasher sera là aussi, de la, parce qu'on a eu l'occasion, mais on attendait que le slasher soit là, il nous l'a demandé, de la fameuse release, l'after... L'after que nous avons fait avec les Steel Panthers, il a dit oh non, attendez-moi quand même pour ça, les amis. Oui, hein. Voilà, donc parce que nous avons eu l'occasion, on a eu l'occasion de faire une, De les rencontrer, donc, de discuter. Voilà, longtemps avec eux et voilà, on va pas en dire plus, on découvrira. On aura tellement de choses à vous dire et notamment aussi notre ami, maintenant on peut le dire. Hein, Forevermore, Cédric, le chanteur de Forevermore, nous a invités à son mariage et Rive d'Enfer, on y sera. Pour vous compter un peu toutes les personnes, toutes les têtes qu'on aura vues et puis on aura donc, discuté avec eux. Donc Cédric de Forevermore qui était venu à la nuit du métal chanter avec son groupe Forevermore. Eh hey, oui, lui aussi, une superbe voix aussi. Ouais. Et qui était venu aussi en interview ici. Ouais. Je sais pas si t'étais déjà là en interview pour l'interview de l'Europe, si c'était déjà. T'étais déjà dans l'émission non. ou pas, je ne sais plus. J'étais là, moi, je l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie. une fois. Voilà. C'était à la nuit du métal. Et c'est vrai que c'est un super bon gars. Il est super gentil. Sa femme, elle a de la chance. Voilà. Oh, pour le moment. Non, mais ça pourrait rester. Et vice versa, je suppose. Ouais. Allez, nous, on va vous laisser avec les Midnight Monkeys. Wouh, franchement, on l'a dit, il était dur aujourd'hui. Et nous, donc, on se voit lundi pour une nouvelle aventure. Voilà. Alors, on se quitte avec Alter Bridge. L'album est là. On va s'écouter My Champion. Les amis, d'ici quelques minutes, on vous laisse les manettes. Voilà. Ciao, les amis. Ciao, Sylval. Ciao, Monsieur Scream. Bien à vous, les Midnight Monkeys, pour reprendre les manettes.